Roman d'amour d'une patate. Il était une fois une patate, une vulgaire patate, comme nous en voyons tous les jours, mais dévorée d'ambition. Le rêve de sa vie était de devenir une frite. Et c'est probablement ce qui lui serait arrivé si le petit garçon de la maison ne l'avait pas volé dans la cuisine. Une fois retiré dans sa chambre avec le fruit de son larcin, le petit garçon tira un couteau de sa poche et se mit à sculpter la patate. Il commença par lui faire deux yeux et la patate pouvait voir. Après quoi, il lui fit deux oreilles et la patate pouvait entendre. Enfin, il lui fit une bouche et la patate pouvait parler. Puis, il la fit se regarder dans une glace en lui disant « Regarde comme tu es belle. Oh, » Quelle horreur! Je ne suis pas belle du tout. Je ressemble à un homme. J'étais bien mieux avant. Oh bon, ça va, dit le petit garçon vexé, puisque tu me prends comme ça. Et il la jeta dans la poubelle.